Midi 30 à l'écoute du 89.1, voici ce que l'on surveille pour vous dans l'actualité. D'abord, l'hôtel de ville de Saguenay, la ville est la cible depuis ce matin d'une frappe de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC. La plupart des employés municipaux qui ont été priés de retourner à la maison lorsqu'ils se sont présentés au travail ce matin. Selon Radio-Canada, une vingtaine de personnes seraient interrogées. Les autorités n'ont pas voulu divulguer la nature des renseignements qui sont recherchés. Le maire Jean Tremblay a commenté pour dire qu'il ne pensait pas être visé par les perquisitions. Il s'agirait, selon lui, de certains conseillers municipaux qui auraient voyagé aux frais de la ville, mais aux frais de la ville et pour des raisons personnelles, faut bien le mentionner. Et le gouvernement du Québec qui n'abandonne pas l'idée du troisième lien malgré les coûts astronomiques d'un tunnel tel que révélé par l'étude du professeur Bruno Massicotte hier. Selon cette étude, il en coûterait 4 milliards de dollars pour construire un tel tunnel. La ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, affirme que d'autres avenues n'ont pas été explorées. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a pour sa part promis que la réflexion se poursuivait quant aux problèmes de trafic et de congestion routière observés dans la région. Scène politique, le caucus du NPD s'ouvrait à Montréal ce matin sur fond de tension puisque certains membres du parti, sous le couvert de l'anonymat, souhaitent le départ du chef Thomas Mulcair, se disant insatisfait de sa présence sur le terrain cet été. Après avoir été désavoué par sa famille politique en avril dernier, Thomas Mulcair a promis de garder les rênes du NPD jusqu'à la désignation d'un nouveau chef. En discours aujourd'hui, il a réitéré son intention de rester chef, invitant à l'unité du parti. Enfin, l'Agence spatiale européenne vient de récupérer les données de son télescope Gaïa, donnant une vision inédite de notre galaxie, la Voie lactée, une carte inédite la plus détaillée à ce jour, ce qui permet d'identifier plus d'un milliard d'étoiles et autres corps célestes. Cela représenterait seulement une infime partie des 200 milliards d'étoiles que contiendrait la Voie lactée. Voilà donc pour ce point sur l'actualité. On retourne à l'écoute de Midi Jazz.